Vous écoutez France Culture. De la Terre à la Lune, de Jules Verne. Adaptation, Hervé Prudhon. Une réalisation de Michel Sidorov. Première partie, le Gun Club. Sans les prodiges de l'artillerie, jamais la guerre de sécession n'aurait été une aussi formidable hécatombe. Entre 1861 et 1865, le génie américain se vit offrir un champ d'expérience à la mesure de son excellence dans l'art de la guerre. Pas besoin d'avoir fait West Point. D'obscurs armuriers se révélèrent experts en balistique et de modestes vendeurs d'outillage remisèrent l'arsenal éprouvé de la vieille Europe au rang d'inoffensive pétoire. Des quincailliers patriotes passaient leur nuit blanche à calculer des trajectoires inédites. Dès qu'ils avaient une idée, ils la partageaient avec un client qui en parlait à deux compères. À trois, ils élisaient un président et deux secrétaires. À quatre, ils nommaient un archiviste et le bureau pouvait fonctionner. À cinq, ils se convoquaient en assemblée générale et le club était constitué. Tel fut le noyau du Gun Club à Baltimore dans le Maryland. Un mois après sa formation, il comptait pas moins de 1833 membres effectifs et 30 575 correspondants. Mais un jour, les canons se turent, ce fut la paix tant redoutée, et le Gun Club plongea dans un désœuvrement mortel. Un quart-rang de vétérans héroïques se désolait en chauffant, qui sa jambe de bois, qui son moignon, dans l'âtre du grand salon. Le bouillant J.T. Maston tisonnait les braises avec son crochet, tout en remuant des idées noires dans son crâne en gutta-percha. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Planter du tabac? Distiller de l'huile de baleine? Il y avait là, entre autres glorieuses éclopées appareillées de pilons, de bras articulés ou de nez en argent, le général Morgan, le major Elphiston, le fringant Bilsby, le colonel Bloomsbury, le vaillant Hunter, tous maussades, ressassant le passé. À 300 pieds, un boulet de 36 traversait 36 chevaux pris de flanc et 68 hommes. La Columbia de Rodman portait à 7000 un boulet d'une demi-tonne qui aurait facilement renversé 150 chevaux et 300 hommes. On l'a vu à la bataille de Gettysburg, lancer un obus qui atteignit 173 confédérés. Et au passage du Potomac, un boulet fit passer de vie à trépas 200 braves garçons du général Lee. Le statisticien Pitcairn, en divisant le nombre des victimes tombées sous les boulets par celui des membres du Gun Club, a établi que chacun de nous a tué pour son compte une moyenne de 2375 hommes et des poussières. Notre unique souci philanthropique est la destruction de l'humanité, mes chers amis. Et notre civilisation repose sur la course aux armements. Ne vous en déplaise, nous sommes des anges exterminateurs. Ah, qui le croirait en nous voyant? C'est du passé, Major Elphiston. Il ne nous reste qu'à fourrer dans nos poches les mains que nous avons perdues au champ d'honneur. Une petite occasion ne se présentera pas d'essayer nos canons? Un casus belli qui nous permette de confronter notre savoir-faire à quelques grandes puissances transatlantiques? Les Français, si taquins, n'auront-ils pas l'idée de couler un de nos steamers? Pour nous agacer, les Anglais ne pendront-ils pas haut et court trois ou quatre de nos marins? Et quand bien même ils en pendraient 300, nous ne bougerions pas. Notre bannière perd des couleurs de jour en jour. Il y a dans l'air mille raisons de se battre, et l'on ne se bat pas. On économise les bras et les jambes de gens qui ne savent qu'en faire. si l'on ne me fournit pas l'occasion d'essayer mon nouveau mortier sur un vrai champ de bataille, je vais m'enterrer avec lui dans les plaines de l'Arkansas. Le lendemain de ce dépôt de bilan, chaque membre du cercle recevait une circulaire libellée en ces termes. Baltimore, 3 octobre. Le président du Gun Club a l'honneur de prévenir ses collègues qu'à la séance du 5 courant, il leur fera une communication de nature à les intéresser vivement. En conséquence, il les prie, tout affaire cessante, de se rendre à l'invitation qu'il aurait faite par la présente. Très cordialement, leur Impé Barbicane. Le 5 octobre, à 8 heures du soir, une foule compacte se pressait dans les salons du Gun Club. Tous les membres de Baltimore étaient là, et les trains débarquaient les correspondants par centaines. Et si grand que fut le hall des séances, ce monde de savants, refoulés dans les salles annexes, se heurtaient aux populaires qui se pressaient pour accéder aux meilleures places. Droit, derrière son bureau massif, Impé Barbicane, âgé de 40 ans, apparaissait comme un homme de la Nouvelle-Angleterre, barbichu, sec, austère, portant le haut de forme de l'oncle Sam et d'Abraham Lincoln. En un mot, un Yankee. 8 heures sonnèrent, il se redressa. Mes amis, depuis trop longtemps, une paix inféconde est venue engourdir les membres du Gun Club. Il a fallu abandonner nos travaux sur la route du progrès. Une bonne guerre, voilà ce qu'il nous faut. La guerre est passée de mode, mon cher Maston. Il faut en prendre notre parti et chercher un autre aliment à l'impatience qui nous dévore. Un aliment ? De quel aliment vous venez nous parler ? Depuis quelques mois, je me suis demandé si nos progrès dans la science de la balistique ne nous permettraient pas de tenter une grande expérience digne de notre siècle. J'ai donc cherché, travaillé, calculé, et de mes études est résultée cette conviction que nous devons tenter la plus folle entreprise qui soit et qui paraîtrait impossible à tout autre pays et à toute autre époque. Ce projet est donc digne de vous, digne du passé du Gun Club, et ne manquera pas de faire du bruit dans le monde. Beaucoup de bruit ? Beaucoup de bruit dans le vrai sens du mot. N'interrompez pas. Je vous prie donc, braves collègues, de m'accorder toute votre attention. Un frémissement courut dans l'assemblée. Barbicane assura son chapeau sur sa tête. Regardez la lune. Ne vous étonnez pas si je viens vous entretenir ici de l'astre des nuits. Il nous est peut-être réservé d'en être les Christophe Colomb. J'entends vous mener à sa conquête et son nom se joindra à ceux des 36 États qui forment ce grand pays de l'Union. On l'a beaucoup étudié. Sa masse, sa densité, son poids, son volume, sa constitution, ses mouvements, sa distance, son rôle dans le monde solaire sont parfaitement déterminés. On a dressé des cartes sélénographiques avec une perfection telle qu'elles surpassent celles des cartes terrestres. La photographie nous en a donné des épreuves d'une incomparable beauté. En un mot, on sait de la Lune tout ce que les mathématiques, l'astronomie, la géologie, l'optique peuvent nous en apprendre. Mais alors ? Alors, il n'a jamais été établi de communication avec elle. Le moyen d'y parvenir va faire l'objet de ma proposition. Écoutez, laissez parler le président. Mais silence ! Grâce à la guerre... Vive la guerre ! Vous n'ignorez plus que la force de résistance des canons et la puissance expansive de la poudre sont illimitées. Eh bien, partant de ce principe, je me suis demandé si, au moyen d'un appareil suffisant, établi dans des conditions de résistance déterminées, il ne serait pas possible d'envoyer un projectile dans la Lune. Oh, oui! Laissez-moi finir. J'ai pris la question sous toutes ses faces. Et de mes calculs indiscutables, il résulte que tout projectile doué d'une vitesse initiale de 12 000 yards par seconde et dirigé vers la Lune arrivera nécessairement jusqu'à elle. J'ai donc l'honneur de vous proposer, mes amis, de tenter ensemble cette expérience. Barbicane ne perdit pas un instant au milieu des ovations dont il était l'objet. Son premier soin fut de réunir quelques-uns de ses collègues les plus éminents dans les bureaux du Gun Club. Là, on convint de consulter les astronomes. Une note très précise fut adressée à l'observatoire de Cambridge, dans le Massachusetts, où fonctionne la puissante lunette qui permit à Bond de résoudre la nébuleuse d'Andromède et à Clark de découvrir le satellite de Sirius. La réponse fut immédiate. Le major Elphiston en fit la lecture. Le président Barbicane, paupières closes, se caressait la barbe. On eût dit qu'il souriait. Cambridge, 7 octobre. Au reçu de votre honoré du 6 courant, notre bureau s'est réuni sans attendre et il a jugé à propos de répondre comme suit à votre série de questions. Sur la première question... Est-il possible d'envoyer un projectile dans la Lune ? Oui, c'est possible si l'on parvient à animer ce projectile d'une vitesse initiale de 12 milliards par seconde. À mesure que l'on s'éloigne de la Terre, l'action de la pesanteur diminue en raison inverse du carré des distances, c'est-à-dire que pour une distance trois fois plus grande, cette action est neuf fois moins forte. En conséquence, la pesanteur du boulet décroîtra rapidement et finira par s'annuler complètement au moment où l'attraction de la Lune fera équilibre à celle de la Terre, c'est-à-dire au 47/52e du trajet. À ce moment, le projectile ne pèsera plus et s'il franchit ce point, il tombera sur la Lune par l'effet seul de l'attraction lunaire. La possibilité théorique de l'expérience est donc ainsi démontrée. Sur la deuxième question, quelle est la distance exacte qui sépare la Terre de son satellite ? La Lune ne décrit pas autour de la Terre une circonférence, mais une ellipse. En conséquence, elle se trouve tantôt dans l'apogée de la Terre, tantôt dans son périgée. C'est important, la Lune est dans son périgée à son point le plus rapproché, ou plus du neuvième du parcours. C'est donc la distance de la Lune qui doit servir de base au calcul. Sur la troisième question, à quel moment devra-t-on lancer le projectile pour qu'il rencontre la Lune en un point déterminé ? Si le boulet conservait indéfiniment la vitesse initiale de 12 milliards par seconde qui lui aura été imprimée à son départ, il ne mettrait que 9 heures environ à se rendre à sa destination. Mais, comme cette vitesse ira continuellement en décroissant, il se trouve que le projectile emploiera 83 heures et 20 minutes pour atteindre le point où les attractions terrestres et lunaires se font équilibre, et de ce point, il tombera sur la Lune en 13h53 minutes et 20 secondes. Il conviendra donc de le lancer 97h13 minutes et 20 secondes avant l'arrivée de la Lune au point visé. Sur la quatrième question, à quel moment précis la Lune se présentera-t-elle dans la position la plus favorable pour être atteinte par le projectile ? Il faut choisir l'époque où la Lune sera dans son périgée et le moment où elle passera au zénith. ce qui diminuera encore le parcours d'une distance égale au rayon terrestre, de telle sorte le trajet définitif sera de 214 976 milles. Mais, si chaque mois la Lune passe à son périgée, elle ne se trouve pas toujours au zénith à ce moment. Par une heureuse circonstance, le 4 décembre de l'année prochaine, la Lune offrira ces deux conditions. À minuit, elle sera dans son périgée, c'est-à-dire sa plus courte distance de la Terre, et elle passera en même temps au zénith. Sur la cinquième question, quel point du ciel devra-t-on viser avec le canon destiné à lancer le projectile ? Les observations précédentes étant admises, le tir sera perpendiculaire au plan de l'horizon et le projectile se dérobera plus rapidement aux effets de l'attraction terrestre. Mais, pour que la Lune monte au zénith d'un lieu, il faut que ce lieu ne soit pas plus haut en latitude que la déclinaison de cet astre. Autrement dit, qu'il soit compris entre 0 et 28 degrés de latitude nord ou sud. En tout autre endroit, le tir devrait être nécessairement oblique, ce qui nuirait à la réussite de l'expérience. En résumé, premièrement, le canon devra être établi dans un pays situé entre 0 et 28 degrés de latitude nord ou sud. Deuxièmement, il devra être braqué sur le zénith du lieu. Troisièmement, le projectile devra être animé d'une vitesse initiale de 12 milliards par seconde. Quatrièmement, il devra être lancé le 1er décembre de l'année prochaine à 11h moins 13 minutes et 20 secondes. Cinquièmement, il rencontrera la Lune 4 jours après son départ, le 4 décembre à minuit précis, au moment où elle passera au zénith. Les membres du Gun Club doivent donc commencer sans retard les travaux nécessités par une pareille entreprise et être prêts à opérer au moment déterminé, car s'ils laissaient passer cette date du 4 décembre, ils ne retrouveraient la Lune dans les mêmes conditions de périgée et de zénith que 18 ans et 11 jours après. 18 ans et 11 jours ? Le bureau de l'Observatoire de Cambridge se met entièrement à votre disposition pour les questions d'astronomie théorique, et il joint par la présente ses félicitations à celles de l'Amérique tout entière. Pour le bureau, J.M. Belfast, directeur de l'Observatoire de Cambridge. Le président Barbicane réunit un comité d'exécution composé de 4 hommes de science et de confiance. Le général Morgan, le major Elphiston, l'inévitable J.T. Maston et lui-même, initiateur du projet, d'une stature indiscutable. Ces 4 aventuriers au corps meurtri et mutilé, mais au caractère forgé par la guerre fédérale, ces 4 conquérants en quête d'espace tinrent leur séance dans l'obscur petit salon lambrissé d'Impey Barbicane. C'est là que, réunis comme des conspirateurs, armés d'équerres et de crayons, ils s'employèrent à résoudre les questions du canon, du projectile et des poudres. Dire qu'ils parlèrent d'une même voix serait mentir, mais toujours la raison du président sut faire taire les passions, et spécialement refroidir la cafetière bouillante de J.T. Maston. La première réunion eut lieu le 8 octobre. Mes chers collègues, nous avons à résoudre un des plus importants problèmes de la balistique. Cette science qui traite du mouvement des projectiles, c'est-à-dire des corps lancés dans l'espace par une force d'impulsion, puis abandonnés à eux-mêmes. Il me semble que la question du projectile doit primer celle du canon. Mes amis, notre président a mille fois raison. Et je vous demande la permission de considérer le boulet d'un point de vue amical. Je laisserai de côté le boulet matériel, vulgaire et meurtrier, pour n'envisager que le boulet mathématique, métaphysique, moral. Le boulet est la plus éclatante manifestation de la puissance humaine. C'est en lui qu'elle se résume tout entière. Et c'est en le créant que l'homme, C'est le plus rapproché de Dieu. Certes. Maston, mais qu'il se rapproche déjà de la Lune. Laissons à Dieu la vitesse de l'électricité, de la lumière, des étoiles, des comètes, des planètes, des satellites, la vitesse du son et la vitesse du vent. Mais à nous, la vitesse du boulet, 100 fois supérieure à la vitesse des trains et des chevaux. Voulez-vous des chiffres ? Prenez le modeste boulet de 24 livres. S'il court 640 fois moins vite que la lumière à la sortie du canon, il fait 200 toises à la seconde et mettrait 11 jours à se rendre à la Lune, 12 ans à parvenir au Soleil. Voilà ce que ferait ce boulet. L'ouvrage de nos mains. Oh, splendide projectile. J'aime à penser que tu seras reçu là-haut avec les honneurs dus à un ambassadeur terrestre. Il le sera. Et maintenant que nous avons fait une large part à la poésie, attaquons la question. Oui. Bon, et la question. Le problème à résoudre est d'imprimer à un projectile une vitesse de 12 milliards par seconde. Le général Morgan peut nous édifier à cet égard. D'autant plus facilement que pendant la guerre, j'étais membre de la commission d'expérience. Je vous dirai que les canons de sang de Dahlgren qui portaient à 2500 toises imprimaient à leur projectile une vitesse initiale de 500 yards à la seconde. Et la Columbia de Rodman ? La Columbia de Rodman détient le record. Essayée près de New York, elle a lancé un boulet d'une demi-tonne à une distance de 6000, avec une vitesse de 800 yards par seconde. Résultat que n'ont jamais obtenu Armstrong et Palliser en Angleterre. Soit les Anglais. Ainsi donc, ces 800 yards seraient la vitesse maximum atteinte jusqu'ici. Oui. Alors, prenons pour point de départ cette vitesse de 800 yards. Il faudra la vingtupler. J'appellerai votre attention sur les dimensions qu'il convient de donner au boulet. Vous pensez bien qu'il ne s'agit plus ici de projectiles pesant au plus 500 000 kilos. Pourquoi pas ? Parce que ce boulet doit être assez gros pour attirer l'attention des habitants de la Lune. Oui, et pour une autre raison bien plus importante encore. Que voulez-vous dire, Barbicane ? Il s'agit d'une expérience scientifique, que diable ! Il ne suffit pas d'envoyer un engin et de ne plus s'en occuper. Il faut que nous le suivions pendant son parcours jusqu'au moment où il atteindra son but. Le suivre. Où notre expérience ne produira aucun résultat. Mais pour cela, il faudrait que notre projectile ait des dimensions énormes. Nous allons contourner ce problème en rendant la Lune plus lumineuse. Ben, c'est lumineux surtout pour vous. Il n'y a qu'à diminuer l'épaisseur de l'atmosphère que traverse la lumière de la Lune. Vous avez une façon de simplifier les choses. Établissons un télescope sur une montagne. Un grossissement de 48 000 fois ramènera la Lune à 5 000 seulement. Et pour être visible, les objets n'auront plus besoin d'avoir que 9 pieds de diamètre. Permettez-moi de vous dire, mon cher président, que vos boulets seront encore d'un poids tel que... Major, ce ne sont pas mes boulets. Au siège de Constantinople, par Mahomet II, en 1453, on lança des boulets de pierre qui pesaient 1900 livres. À Malte, au temps des chevaliers, un canon du fort Saint-Elme lançait des projectiles pesant 2500 livres. Sous Louis XI, à Paris... Un mortier lançait une bombe de 500 livres qui partit de la Bastille, un endroit où les fous enfermaient les sages, retombait à Charenton, un endroit où les sages enferment les fous. Oh, c'est français, ils sont tous bons enfermés. Depuis, si les projectiles ont gagné en portée, ils ont perdu en pesanteur. Or, si nous tournons nos efforts de ce côté, nous devons arriver, avec le progrès de la science, à décupler le poids des boulets de Mahomet II et des chevaliers de Malte. J'en conviens. Mais quel métal comptez-vous donc employer ? La fonte. Je ne vois que ça. Un boulet de fonte de 9 pieds de diamètre sera d'un poids épouvantable. Oui, s'il est plein non s'il est creux. Creux ? Ce sera donc un obus. Où l'on pourra mettre des dépêches et des échantillons de toutes nos productions terrestres. Quelle sera l'épaisseur de ces parois ? Minston, quelle épaisseur ? Racine cubique. Les parois auront à peine 2 pouces d'épaisseur. Ce sera suffisant ? Non, évidemment. Alors que faire ? Employer un autre métal. Du cuivre ? Non, c'est encore trop lourd. Mais j'ai mieux à vous proposer. Quoi donc ? De l'aluminium. Oui. De l'aluminium, mes amis. Il se travaille facilement. Il est 3 fois plus léger que le fer, extrêmement répandu sur la Terre, et semble donc avoir été créé exprès pour être envoyé dans la Lune. Alors... Hourra pour l'aluminium. Hourra pour l'aluminium. Hourra pour l'aluminium. Le lendemain soir, la discussion reprit sans préambule. Mes chers collègues, nous allons nous occuper à présent de l'engin à construire. Il est probable que nous arriverons à lui donner des dimensions gigantesques. Notre problème se présente sous cette forme. Imprimer une vitesse initiale de 12 000 yards par seconde à un obus de 108 pouces de diamètre et d'un poids de 20 000 livres. Qu'en pensez-vous, Major Elphiston ? Quand un projectile est lancé dans l'espace, il est sollicité par 3 forces. La résistance du milieu, l'attraction de la Terre et la force d'impulsion dont il est animé. Examinons ces 3 forces. La résistance du milieu, c'est-à-dire celle de l'air, sera peu importante. Le projectile l'aura traversé en 5 secondes, c'est insignifiant. Passons à l'attraction de la Terre, c'est-à-dire à la pesanteur de l'obus. Il s'agit de vaincre cette action de la pesanteur. Maudite pesanteur. Nous en triompherons. Par la force d'impulsion qui résultera de la longueur de l'engin et de la quantité de poudre employée. En conséquence, occupons-nous des dimensions à donner au canon. Jusqu'ici, les canons les plus longs n'ont pas dépassé 25 pieds en longueur. Nous allons donc étonner bien des gens par les dimensions que nous serons forcés d'adopter. Pour mon compte, je demande un canon d'un demi-mille au moins. Un demi-mille ? Oui, un demi-mille. Et vous verrez qu'il sera encore trop court. Alors, Maston, vous exagérez. Moi, j'exagère ? Je voudrais bien savoir pourquoi. Parce que vous allez trop loin. Sachez, monsieur, qu'un artilleur est comme un boulet. Il ne va jamais trop loin. Du calme, mes amis. Et c'est le major qui a commencé. Taisez-vous à la fin, Maston. Quelles sont les règles usitées en ce qui nous intéresse ? Ordinairement, la longueur d'un canon est 20 à 25 fois le diamètre du boulet. Et il pèse 235 à 240 fois son poids. Mais c'est ridicule. Autant prendre un pistolet. Je donne raison à notre honorable secrétaire. C'est pourquoi je vous propose de quadrupler cette longueur et de construire un canon de 900 pieds. Quelle épaisseur donner à ces parois ? Une épaisseur de 6 pieds. Vous ne pensez pas dresser une pareille masse sur un affût ? Ce serait pourtant superbe. Mais impraticable. Non. Je songe à couler cet engin dans le sol, à le fretter avec des cercles de fer forgé et enfin à l'entourer d'un épais massif de maçonnerie de pierre et de chaux, de telle façon qu'il participe de toute la résistance du terrain environnant. Une fois la pièce fondue, l'arme sera soigneusement alésée et calibrée, de manière à empêcher le vent du boulet. Ainsi, il n'y aura aucune déperdition de gaz et toute la force expansive de la poudre sera employée à l'impulsion. Hourra, hourra ! Pour le président, nous tenons notre canon. Pas encore. Et pourquoi? Parce que vous oubliez une chose, cher Maston. Nous n'avons pas discuté sa forme. Sera-ce un canon, un obusier ou un mortier? Un canon, un obusier, un mortier. Je vais vous mettre tous d'accord. Notre Columbiad tiendra à la fois de ces trois bouches à feu. Ce sera un canon, puisque la chambre de la poudre aura le même diamètre que l'arme. Ce sera un obusier, puisqu'il lancera un obus. Enfin, ce sera un mortier, puisqu'il sera braqué sous un angle de 90 degrés et qu'ainsi, sans recul possible, inébranlablement fixé au sol, il communiquera au projectile toute la puissance d'impulsion accumulée dans ses flancs. Notre canon doit être d'une grande ténacité, d'une grande dureté, infusible à la chaleur, indissoluble et inoxydable à l'action corrosive des acides. Dans ce cas, je propose pour la fabrication de la Columbiad le meilleur alliage connu jusqu'ici, c'est-à-dire 100 parties de cuivre, 12 parties d'étain et 6 parties de laiton. Mes amis, cette composition a donné des résultats excellents, mais elle coûterait trop cher et serait d'un emploi fort difficile. Je pense donc qu'il faut adopter une matière moins chère, telle que la fonte de fer. N'est-ce pas votre avis, Major? Ah, parfaitement. La fonte de fer coûte 10 fois moins que le bronze. Elle est facile à fondre. Elle se coule simplement dans des moules de sable et est d'une manipulation rapide. C'est donc à la fois une économie d'argent et de temps. Par ailleurs, je me rappelle qu'au siège d'Atlanta, des pièces en fonte ont tiré sans en pâtir 1000 coups chacune de 20 minutes en 20 minutes. Elle est cassante, votre fonte. Oui, mais résistante. Je vais prier notre digne secrétaire de calculer le poids d'un canon de fonte long de 900 pieds, d'un diamètre intérieur de 9 pieds, avec des parois de 6 pieds d'épaisseur. Alors, ce canon pèsera 68 040 tonnes. C'est trop lourd. Et à 2 cents la livre, il coûtera 2 510 701 dollars. C'est trop cher. Messieurs, je vous répéterai ce que je vous disais hier. Soyez tranquilles. L'argent ne manquera pas. La grosseur du projectile, la longueur du canon était donnée. Quelle serait la quantité de poudre nécessaire pour produire l'impulsion? Barbicane donna la parole au major Elphiston, qui avait été directeur des poudres pendant la guerre. Un litre de poudre pèse environ 2 livres, soit 900 grammes. Il produit en s'enflammant 400 litres de gaz sous l'action d'une température portée à 2400 degrés. Donc, le volume de la poudre est au volume des gaz produits par sa déflagration d'un rapport de 1 à 4000. Que l'on juge alors de l'effrayante poussée de ces gaz lorsqu'ils sont comprimés dans un espace 4000 fois trop resserré. Le boulet de 24 dont nous parlait avant-hier l'honorable J.T. Maston, en termes si poétiques, n'est chassé de la bouche à feu que par 16 livres de poudre seulement. Vous êtes certain du chiffre? Absolument certain. La quantité de poudre n'augmente pas avec le poids du boulet. Calculez, et vous verrez que pour le boulet d'une demi-tonne, au lieu de 333 livres de poudre, cette quantité a été réduite à 160 livres seulement. Si vous poussez votre théorie à l'extrême, mon cher major, vous arriverez à ceci que lorsque votre boulet sera suffisamment lourd, vous ne mettrez plus de poudre du tout. Mon ami Maston est taquin. Je proposerai bientôt des quantités de poudre qui satisferont son amour-propre d'artilleur. Seulement, je tiens à constater que pendant la guerre, et pour les plus gros canons, le poids de la poudre a été réduit, après expérience, au dixième du poids du boulet. Rien n'est plus exact. Mais avant de décider de la quantité de poudre nécessaire pour donner l'impulsion, je pense qu'il est bon de s'entendre sur sa nature. Pour charger sa Columbiad, Rodman, employez une poudre à grains gros comme des châtaignes, faite avec du charbon de saule simplement torréfié dans des chaudières de fonte. Cette poudre était dure et luisante, ne laissait aucune trace sur la main, renfermée dans une grande proportion de l'hydrogène et de l'oxygène, déflagrée instantanément et, quoique très brisante, ne détériorait pas sensiblement les bouches à feu. Eh bien, nous n'avons pas hésité, notre choix est fait. Et maintenant, mes amis, quelle quantité de poudre proposez-vous ? 200 000 livres. 500 000. 800 000 livres. Cette fois, personne n'osa taxer Maston d'exagération. En effet, il s'agissait d'envoyer jusqu'à la Lune un projectile pesant 20 000 livres et de lui donner une force initiale de 12 000 yards par seconde. Mes braves camarades, je vais surprendre l'honorable J.T. Maston en lui disant qu'il a été timide dans ses calculs et je proposerai de doubler ses 800 000 livres de poudre. 1600 000 livres ? Mais alors, il faudra en revenir à mon canon d'un demi-mille de longueur. C'est évident. 1600 000 livres de poudre produiront 6 milliards de litres de gaz. 6 milliards. Vous entendez bien ? Mais alors comment faire ? C'est très simple. Il faut réduire cette énorme quantité de poudre tout en lui conservant la même puissance mécanique. Et rien n'est plus facile que de ramener cette masse de poudre à un volume 4 fois moins considérable. Vous connaissez tous cette matière curieuse qui constitue les tissus élémentaires des végétaux et qu'on nomme cellulose. La cellulose, mais c'est bien sûr. Cette cellulose se retrouve pure dans le coton. Or, le coton, combiné avec l'acide azotique à froid, se transforme en une substance éminemment explosive. Il y a quelques années, un chimiste français, Braconnot, découvrit cette substance qu'il appela xyloïdine. Un autre français, Pelouze, en étudia les diverses propriétés. Et enfin, un professeur de chimie à Bâle, Schönbein, la proposa comme poudre de guerre. Cette poudre, c'est le coton azotique. Ou pyroxyle. Ou fulmicoton. Vous connaissez ses propriétés qui vont nous le rendre si précieux. Il se prépare avec la plus grande facilité. Du coton plongé dans de l'acide azotique fumant pendant 15 minutes, puis lavé à grande eau, puis séché, et le tour est joué. Sacré tour. Parfait. Seulement, il coûte cher. C'est relatif, étant donné qu'il communique au projectile une vitesse 4 fois supérieure à celle de la poudre. J'ajouterai même que, si l'on y mêle les 8/10 de son poids de nitrate de potasse, sa puissance expansive est encore augmentée dans une grande proportion. Ainsi donc, au lieu de 1600 000 livres de poudre, nous n'aurons que 400 000 livres de fulmicoton. Une fois comprimé, cette matière n'occupera qu'une hauteur de 30 toises dans la Columbiade. De cette façon, le boulet aura plus de 700 pieds d'âme à parcourir sous l'effort de 6 milliards de litres de gaz avant de prendre son vol vers l'astre des nuits. Oui, c'est le barbicane. Plus d'un an devait s'écouler entre le commencement des travaux et leur achèvement. L'emplacement à choisir pour le forage, la construction du moule, la fonte de la Columbiade, son chargement très périlleux, se chargèrent d'entretenir la curiosité du public qui savait qu'une fois lancé, le projectile échapperait au regard en quelques 10 dixièmes de seconde. Puis, ce qu'il deviendrait, c'est ce que seul verrait un petit nombre de privilégiés. C'est pourquoi les préparatifs prenaient tant d'importance. Dans ce contexte, l'attrait technique et scientifique de l'entreprise fut tout d'un coup dramatisé par un incident extérieur. Un homme, un seul dans tous les États de l'Union, pestait et protestait contre la tentative du Gun Club. Cet homme, le président du Gun Club, ne l'avait jamais vu. C'était un ingénieur comme lui, un Yankee de Philadelphie, large d'épaules, de nature violente et fière, qu'on appelait le capitaine Nicholl. Lors du conflit qui opposa le Sud et le Nord, une guerre dans la guerre s'établit entre les fondeurs de boulets et les forgeurs de plaques des navires blindés, ceux-là cherchant à percer la carapace de ceux-ci. Les Merrimack, les Monitor, les Ram Tennessee, les Weckhausen lançaient des boulets après s'être eux-mêmes cuirassés. Barbicane fut un grand fondeur et le capitaine Nicholl un grand forgeur. Le président du Gun Club passait sa vie à percer des trous et l'autre n'avait de cesse de l'en empêcher. Chacun prenait un malin plaisir à contrarier les efforts de l'autre. Il rêvait la nuit d'un combat singulier qui les aurait vus s'affronter sous la forme de monstres métalliques. Leur rivalité qui avait tourné à l'inimitié était devenue une obsession. Ils auraient fini par se croiser sur le pré. Fort heureusement pour des citoyens si utiles aux États de l'Union, leurs amis veillaient à ce qu'ils ne se rencontrent pas. Nicholl ne s'avoua pas battu. Il attaqua les travaux du Gun Club, publia nombre de lettres que les journaux reproduisirent. Il chercha à prouver par A plus B la fausseté des formules de son ennemi et l'accusa d'ignorer les principes rudimentaires de la balistique. Entre autres erreurs, Nicholl soutint qu'il était impossible d'imprimer à un corps une vitesse de 12 000 yards par seconde. L'algèbre à la main, il avança que même avec cette vitesse, jamais un projectile d'un tel poids ne franchirait les limites de l'atmosphère terrestre. Il n'irait même pas à 8 lieues. Mieux, l'obus ne résisterait pas à la pression des gaz développés par l'inflammation de 1600 000 livres de poudre. Et si par sorcellerie il résistait à cette pression, il ne supporterait pas une telle température et fondrait à la sortie de la Columbiade pour retomber en pluie bouillante sur le crâne des imprudents spectateurs. On voit à quelle exagération se laissait entraîner le capitaine Nicholl, qui était seul de son opinion. On le laissa donc crier à son aise, jusqu'à s'époumoner, puisque cela lui convenait. Il fit savoir qu'il n'aimait pas qu'on lui promette la lune. Il se faisait le défenseur d'une cause perdue d'avance et n'enleva pas un seul admirateur au président du Gun Club. Nicholl, acculé dans ses derniers retranchements, joua son va-tout et proposa publiquement dans l'Enquirer de Richmond une série de paris conçus en ces termes et suivant une proportion croissante. Il paria. Premièrement, que les fonds nécessaires à l'entreprise du Gun Club ne seraient pas faits. $1,000. Deuxièmement, que l'opération de la fonte d'un canon de 900 pieds était impraticable et ne réussirait pas. $2,000. Troisièmement, qu'il serait impossible de charger la Columbiade et que le pyroxyle prendrait feu de lui-même sous la pression du projectile. $3,000. Quatrièmement, que la Columbiade éclaterait au premier coup. $4,000. Cinquièmement, que le boulet retomberait quelques secondes après avoir été lancé. $5,000. On le voit, c'était une somme importante que risquait le capitaine dans son entêtement. Il ne s'agissait pas moins de $15,000. Fallait-il qu'il soit sûr de lui? Malgré l'importance du pari, le 19 octobre, Nicholl reçut un pli cacheté, d'un laconisme superbe et conçu en ces termes: Baltimore, 18 octobre. Tenu. Tenu. Barbicane. Il fallait passer outre ce défaitisme qui n'avait rien d'américain et s'empresser de choisir un endroit favorable à l'expérience. Suivant la recommandation de l'observatoire de Cambridge, le tir devait être dirigé vers le zénith. Or, la lune ne monte au zénith que dans les lieux situés entre 0 degré et 28 degrés de latitude. Le 20 octobre, au Gun Club réuni en séance générale, Barbicane apporta une magnifique carte des États-Unis de belle trope. Mais sans lui laisser le temps de la déployer, J.T. Maston prit la parole. Je demande la libre discussion des idées. Et je soutiens que le territoire duquel s'élancera notre glorieux projectile doit appartenir à l'Union. Puisque nos frontières ne sont pas assez étendues, il nous faut chercher au-delà des États-Unis et dans un pays limitrophe de ce 28e parallèle. C'est là un casus belli légitime. Et je demande qu'on déclare la guerre au Mexique. Mais non ! On a perdu la guerre ! Tout sauf la guerre ! Et vive le Mexique ! Tôt ou tard, cette guerre se fera. Et je demande qu'elle éclate aujourd'hui même. Non, non. Maston ! Je vous retire la parole. Je conviens que l'expérience ne doit être tentée que sur le sol de l'Union. Mais si le véhément J.T. m'eût laissé parler, s'il eût jeté les yeux sur une carte, il saurait qu'il est parfaitement inutile de déclarer la guerre à nos voisins. Car certaines frontières des États-Unis s'étendent au-delà du 28e parallèle. Nous avons à notre disposition tout le sud du Texas et des Florides. Il fut donc décidé que la Columbiade serait coulée soit dans le sol du Texas, soit dans celui de la Floride. Mais cette décision devait créer une rivalité sans exemple entre les villes de ces deux États. La Floride, dans sa partie méridionale, est seulement hérissée de forts élevés contre les Indiens errants. Une seule ville, Tampaton, pouvait réclamer en faveur de sa situation et se présenter avec ses droits. Au Texas, au contraire, les villes sont plus nombreuses et plus importantes. Corpus Christi et toutes les cités situées sur le Rio Bravo, Laredo, Santa Rita, El Panda, Brownsville, autant d'objecteurs aux prétentions de la Floride, sans parler des moustiques. La décision à peine connue, les députés texiens et floridiens arrivèrent à Baltimore. À partir de ce moment, le président Barbicane et les membres influents du Gun Club furent assiégés jour et nuit de réclamations. Si 7 villes de la Grèce se disputèrent l'honneur d'avoir vu naître Homère, 2 États tout entiers menaçaient d'en venir aux mains à propos d'un canon. On vit ces frères féroces se promener en armes dans les rues de la ville. À chaque rencontre, quelques bagarres étaient à craindre. Heureusement, la diplomatie du président Barbicane écarta ce danger. Les démonstrations directes trouvèrent un dérivatif dans les journaux. Les Texiens par l'organe du New York Herald. On doit des égards à notre État où pousse le plus beau coton de toute l'Amérique. Un État qui produit le meilleur chêne vert pour la construction des navires. À cela, l'American Review répondait que le sol de la Floride, sans être aussi riche, offrait de meilleures conditions pour le moulage mais, et la fonte. Mais, reprenaient les Texiens, avant de fondre quoi que ce soit dans un pays, il faut y arriver. Vous nous la baillez belle avec Galveston, répétaient les journaux dévoués aux Floridiens. N'avons-nous pas la baie d'Espiritu Santo par laquelle les navires arrivent directement? Jolie baie, répondait le Texas. Elle est à demi ensablée. Ensablée vous-même! Ne dirait-on pas que nous sommes un pays de sauvages? Les Séminoles courent encore vos prairies. Et vos Apaches et vos Comanches, sont-ils civilisés? Le président Barbicane ne savait où donner de la tête. Les notes, les documents, les lettres lourdes de menaces pleuvaient dans sa maison. Quel parti devait-il prendre? Au point de vue de l'appropriation du sol, de la facilité des communications, de la rapidité des transports, les droits des deux États étaient véritablement égaux. Cette situation n'avait que trop duré. Barbicane résolut d'en sortir. Il réunit ses collègues et la solution qu'il leur proposa fut aussi sage qu'habile. En considérant ce qui vient de se passer entre la Floride et le Texas, il est évident que les mêmes difficultés se reproduiront entre les villes de l'État favorisé. La rivalité et l'insatisfaction descendront du genre à l'espèce, de l'État à la cité. Or, le Texas possède 11 villes qui ont les conditions voulues et toutes les 11 se disputeront l'honneur de l'entreprise et nous créerons 11 nouveaux sujets de discorde. Tandis que la Floride n'a qu'une ville. Ah oui. Va donc pour la Floride. Et pour Tampaton. Cette décision rendue publique atterra les députés du Texas. Ils entrèrent dans une fureur indescriptible et menacèrent publiquement plusieurs membres du Gun Club. Les magistrats de Baltimore n'eurent plus qu'un parti à prendre, et ils le prirent. On fit chauffer un train spécial, on y embarqua les Texiens bon gré mal gré, et ils quittèrent la ville à une vitesse de 30 000 à l'heure. Mais ils eurent le temps de jeter un dernier sarcasme aux Floridiens. Faisant allusion au peu de largeur de la presqu'île, ils prétendirent qu'elle ne résisterait pas à la secousse du tir et sauterait au premier coup de canon. Les difficultés astronomiques, mécaniques, topographiques, une fois résolues, restait la question d'argent. Nul industriel, nul État, nulle banque n'aurait pu disposer des millions nécessaires au financement du projet. Je pris donc le parti, bien que l'entreprise fût américaine, d'en faire une affaire d'un intérêt universel et de demander à chaque peuple sa coopération financière. Après tout, c'était à la fois le droit et le devoir de chaque pays d'intervenir dans les affaires de son satellite. La souscription s'étendit de Baltimore au monde entier, urbi et orbi. Elle devait réussir, au-delà de toute espérance, à la mesure de l'engouement généré par le projet. Il s'agissait pourtant de sommes à donner, sans espérer un retour sur investissement. L'opération n'offrait aucune chance de bénéfice. Mais l'effet de ma communication avait franchi l'Atlantique et le Pacifique, gagnant à la fois l'Asie et l'Europe, l'Afrique et l'Océanie. Les observatoires de l'Union se mirent en rapport immédiat avec ceux des pays étrangers, certains, ceux de Paris, de Pétersbourg, du Cap, de Berlin, de Stockholm, de Varsovie, de Hambourg, de Bologne, de Malte, de Lisbonne, de Bénarès, de Madras, de Pékin, me firent parvenir leurs compliments. D'autres gardèrent une prudente expectative. Quant à l'observatoire de Greenwich, approuvé par les 22 autres établissements astronomiques de la Grande-Bretagne, il fut catégorique. Il nia la possibilité d'un succès. Il adopta les théories oiseuses du capitaine Nicholl. Le 8 octobre, je lançai un manifeste empreint d'enthousiasme et dans lequel je faisais appel à tous les hommes de bonne volonté sur la Terre. À ce compte-là, peu importait la mauvaise foi des Anglais. Les souscriptions furent ouvertes dans les principales villes de l'Union pour se centraliser à la Banque de Baltimore. Puis on souscrivit dans les différents États des deux continents, à Vienne chez Rothschild, à Pétersbourg chez Stiglitz et compagnie, à Paris au Crédit Mobilier, à Stockholm chez Totti et Arthur Edson, à Turin chez Ardoin et compagnie, à Berlin chez Mendelssohn, à Genève, chez Lombard, Audier et compagnie, à Constantinople, à la Banque Ottomane, à Bruxelles, chez Lambert, à Madrid, chez Daniel Weisweiler, à Amsterdam, au Crédit Néerlandais, à Rome, chez Torlonia et compagnie, à Lisbonne, chez Le Sen, à Copenhague, à la Banque Privée, à Buenos Aires, à la Banque Maua, à Rio de Janeiro, même maison, à Montevideo, même maison, à Valparaiso, chez Thomas Lachambre et compagnie, à Mexico, chez Martin Daran et compagnie, à Lima, chez Thomas Lachambre et compagnie. Trois jours après le manifeste du président Barbicane, 4 millions de dollars avaient été versés dans les différentes villes de l'Union. Avec un pareil acompte, le Gun Club pouvait déjà marcher. Mais quelques jours plus tard, les dépêches apprenaient à l'Amérique que les souscriptions étrangères se couvraient avec un véritable empressement. Certains pays se distinguaient par leur générosité, d'autres se desserraient moins facilement. Juste une affaire de tempérament. Les Anglais ne souscrivirent pas pour un penny, qu'ils gardent leur damné penny et qu'ils s'étranglent avec. Quand l'Amérique du Sud, c'est-à-dire le Pérou, le Chili, le Brésil, les provinces de la Plata, la Colombie eurent versé leur quote-part, le Gun Club se trouva à la tête du capital considérable de 5 446 675 $. Que personne ne soit surpris de l'importance de la somme. Les travaux de la fonte, du forage, de la maçonnerie, le transport des ouvriers, leur installation dans un pays presque inhabité, les constructions de fours et de bâtiments, l'outillage des usines, la poudre, le projectile, les faux frais, devaient, suivant les devis, l'absorber à peu près tout entière. Le 20 octobre, un traité fut conclu avec l'usine de Cold Spring, dirigée par Murchison, qui pendant la guerre avait fourni ses meilleurs canons de fonte. Il fut stipulé entre les parties contractantes que l'usine de Gold Spring s'engageait à transporter à Tampa Town, dans le sud de la Floride, le matériel nécessaire pour la fonte de la Columbiade. Cette opération devait être terminée le 15 octobre prochain au plus tard, sous peine d'avoir à verser une indemnité de $100 par jour jusqu'au moment où la Lune se présenterait dans les mêmes conditions, c'est-à-dire exactement dans 18 ans et 11 jours. Une fois le traité signé, Barbicane quitta Baltimore, accompagné de l'industriel Murchison, qui risquait gros dans l'aventure, du major Alfiston, toujours de bons conseils, et de J.T. Maston, à qui il ne refusait rien. Pas une seconde à perdre, mes amis. Un aviso de la Marine fédérale nous attend à la Nouvelle-Orléans. Et de là, nous rejoindrons Tampa Town. Et de là, si Dieu le veut, la Lune. C'était De la Terre à la Lune, de Jules Verne. Adaptation, Hervé Prudhon. Première partie, le Gun Club. Avec Jean-Luc de Baptiste, Barbicane. Quentin Bayot, Maston. Roland Timsit, Elphiston. Didier Brice, Morgan. Justin Blanquert, Hunter. Claude Gisbert, Blomsberry. Narration, Audrey Meul. Avec les voix de Michel Baladi, Alexandre Boras, Xavier Clion, Donatien Guillot, Marc-Henri Lamande, Frédéric Munoz, Léo Poulet et Romain Tremblot. Bruitage, Bertrand Amiel, Jean-François Bernard Sugy. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Prise de son, montage et mixage, Manu Couturier et Mathieu Leroux. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Michel Sidoroff.